cachet sans béton, bébé tu déconnes, faut fuir la misère. Zéro dans les poches, c'est le ghetto, c'est sur les bons plans que je vais miser. Tout ce qui nous attache, bébé, c'est le réalisme. Faudra rien dire au keuf, tu sais, on a pris le risque. La somme est à l'étage, faut pas qu'on réfléchisse. On n'a plus le temps, on fait du sale, pas besoin. Ça, cœur en nom, cache, c'est pas normal. Ma femme fait pas la belle, hein, t'as pas idée. Charbon dès le matin, t'as pas idée. Fais tout pour dinero, t'as pas idée. Un amour criminel, t'as pas idée. C'est pas normal, c'est pas normal. C'est pas normal, c'est pas normal. Bébé, y'a du doucement, on a du battre. Quand tu fais du sale, mais qui peut nous battre? Si ça dégénère, tu prendras mes pattes. Et c'est ton petit cœur que je ferai battre. Écoute pas tes amis cette fois-ci. Veulent parler que de mon passé. Après le bon chat, viens m'embrasser. S'il y a le temps, on fait du sale, pas besoin. Ça, car en nous, cache, c'est pas normal. Ma femme fait pas la belle, hein, t'as pas idée. Charbon dès le matin, t'as pas idée. Fais tout pour dinero, t'as pas idée. Un amour criminel, t'as pas idée. C'est pas normal. Pas la belle, t'as pas idée. Charbon dès le matin, t'as pas idée.